c'est comme ça. J'y peux rien, toujours là pour les miens. Ça change pas, j'ai d'où je viens. Sont jaloux, je le sais bien. C'est comme ça, j'y peux rien. Je reste comme je suis, toi tu me jalouses, même pas je te connais. J'étais le sang du jour au lendemain, tu m'as plus téléphoné. Je connais le manque d'amour, le manque de shit, le manque de monnaie. Oh mon ami, je te laisse tranquille, j'ai pas déconné. Car t'es mon mal place, ton putain mal tasse. Et y'a plein de choses qui m'agacent, comme ce poteau dans le dos qui me casse. Niveau trahison, j'ai eu ma dose, j'aime mes frères, ouais, c'est la base. Ils me disent, tu sers le cul de la matonne, et toi, qu'est-ce que tu ferais en ma place? Bro, oh, reste ennemi, j'déconne 40 combien. Oh, plein d'anani, on se la joue pas, fais pas le mien. J'crois que j'ai autre chose à faire. Ils veulent me mettre dans leurs affaires. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Peut-être me voir à terre. Ils peuvent bien aller se faire. J'crois que j'ai autre chose à faire. Fais pas le mien, gros, oh, reste ennemi.